musiciens assassinaient Mozart dans un café de Varsovie. La neige était recouverte de boue. La neige faisait un grand silence autour de nous. Qu'est-ce que je fous dans ce café de Varsovie, en plein hiver, en pleine nuit? Personne ne sait ni d'où je viens, ni qui je suis. Un peu perdu et mort de froid, un peu ému comme autrefois. Personne ne sait ce que j'ai fait de Varsovie. La neige était recouverte de boue. La neige faisait un grand silence autour de nous. Elle est entrée dans ce café de Varsovie, un peu changée, un peu vieillie. Elle regardait si on ne l'avait pas suivie. Elle ressemblait à mon passé. Il me semblait l'avoir aimée. Personne ne sait ce qu'elle était à Varsovie. Sa robe était recouverte de boue. Sa robe était déchirée jusqu'à ses genoux. On est sorti de ce café de Varsovie. Elle est partie, je suis parti. Et les années qui se sont écoulées depuis ne m'ont jamais dit le pourquoi de ce grand vide au fond de moi. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit-là à Varsovie? La neige était recouverte de boue. La neige a laissé le silence autour de nous. Un musicien assassinait Mozart dans un café de Varsovie.